l'air bien des signes. Souligne tes mystères. Souligne tes mouvements des signes. Tes lignes aussi, au fil de mes prières, au bord d'un univers. Un passant a franchi la ligne et plonge dans les eaux du fleuve. glissant entre les racines, effrayante avec les couleurs. Sa tête est un point qui s'éloigne des rives crevant la surface. Un visage, une femme témoigne que dans son sillage à sa place, une main se trace, creuse son lit d'étiage, un passage en face du partage des eaux. Et te voilà mon étoile, tu t'es levé, me voilà dans tes voiles, ma voie lactée, ta vallée des merveilles. Tout le miel de ta voûte étoilée, je sème à tous les dorénavant. Tu m'aimes, en avons-nous bien le temps? Que ta voix me tienne en haleine, le temps d'avaler tes merveilles. Que tu veilles sur mon sommeil, le temps que se lève le soleil. Mille et une nuits, mille et...